le temps est là. Les femmes sont dedans, les hommes sont dans les femmes. Il cherche, s'il est toujours là cet homme dans mon champ jaune. Ils attendent, nous ébattent. Cela fait si longtemps qu'ils n'en ont plus. Ils éparpillent les restes d'un futur maquillé où nagent des mères mortes. Et ventre des réfugiés tissent avec leur peau des voiles de couleur rance. Ils ont meurtri les terres en fermant les dédales. Ils ont bloqué les sables, interdit les mirages. Les rêves ne s'échangent plus. Ils sont impraticables. Les chairs humaines sont un choc éprouvant le miscible. Des sirènes alertent la mort. Qu'allons-nous faire, nous deux, devant leur meurtrière? Je le vois atterré, dévoré, désirant sur des tapis de nerfs dans le noir, des sangs séchés. Ses mains battent le sol, il ruisselle seulement. Je vois le creux des bras qui tend vers le profond, des gouttes de suie, la bille, le parcours. C'est là que je logerai mon sexe avant de l'embrasser. Ce que je cherchais dans la lascivité. Personne ne sait plus rien offrir, il faut se battre pour tout. Les peuples lubrifiés allument mes scalpels, ils m'ont donné un glaive. Et jeté, ouvrant sur des troupeaux dans un parc d'attractions. Alors, demande une glace. Moïse cherche sa monnaie et Marie fait la manche. C'est assez dur pour les bouddhistes, pour la plupart d'entre eux demandent s'ils sont utiles. Everyone asking them what's happening. Je ne connais pas. Il s'est assis aussi. Je ne vois plus son sexe replié maintenant au milieu de ses jambes. Ça ne fait rien. Il est assez beau comme ça. Un jour, je l'approcherai. Le soleil aura gagné le recoin de la rue où il est tombé pour la première fois. La première fois de toute une vie où un homme tombe de lui-même. Il se relève, anéanti. Il marche tout le jour, il marche sous les coups. La ville est rouge, la nuit ne viendra plus. Du moins pas comme avant, maintenant il aura peur du noir. Du noir en dedans, du noir suspendu au mouvement des certains. Du noir que l'on voit quand les yeux ne voient plus. Du noir des chimères, des pauvres, des dissidents. Il tremble, bien sûr, il tremble maintenant. Pourquoi ne pas trembler quand on est sûr du fait que c'est pour elle qu'il tremble? Trembler, c'est faire le constat négatif du confortable, s'en remettre à l'envie. Avec qu'un homme au soleil, on clignerait des yeux un peu mal réveillés, on discuterait de nos sexes manquants, on parlerait espagnol pour faire la différence entre Serre et Estar, on se regarderait, on moquerait nos jugements, on serait des couvrements. Et on mettrait longtemps à dire qu'on se désire, on attendrait que la terre tombe, et j'aimerais que cet homme, c'est toi, à l'instant.